temps va gâti au soir. Quand elle est des ailes matin, en t'es qu'à rentrer à casse. Les mains vrai en flamme d'hypé. Allez garder qu'à s'adrayer. Allez garder là sa sortie. Moi qu'à vrai en soupougnant. Qu'à barre chimé en moi. Tout chivé en moi dressé. Tout corps en moi frissonné. Moi pas ça, ça pour moi faire. Moi crier maman, moi vous. Mais kassaye, on boule d'hypé. T'as volé à stropier, faut manger. Mais kassaye, on l'a moyé. Moi courir, aller chercher les pompiers. Moi couille, moi chérie pas raté. Moi pas vrai, ça tellement moi dépété. Et les mains grippées, moi bien constaté. Et tout le pantalon, moi bien trompé. Encore vendredi au soir, j'ai barré chimère en moi. Ouvrez la porte là-bas, moi. Moi pas ça, ça pour moi fait. Criez maman, criez papa. Allez côté voisin en moi. En soucouillant derrière moi. Et chien d'ouvrant casse en moi. Moi des métiers, pour moi passer. On va visiter au moins moi aïe chercher. Super métier, pour moi passer. Oui, laissez-moi aller. De là moi me mettez moi qu'à crier. Tout tient des hôtes et j'ai qu'à rater. Les mains arrivées, maman dit qu'est-ce qui passe. Moi pas répondre, mon oui aïe cacher. J'entends souffle voisin. Ouvre la porte là-bas moi. En soucouignant barré moi. Moi pas ça, ça pour moi fait. Mais que j'ai mis à wall en fait. Baliné en cigarette, piqué en ciseaux à terre, même pas chez garder derrière. Wack it, bad boy, pop. Sabe?